Il y avait le libéralisme classique qui désignait la liberté de chacun de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Et au XXe siècle, les libéraux ont commencé à proclamer que cette société ouverte a des ennemis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la société ouverte a des ennemis. Et elle doit limiter l'activité de ses ennemis. Et ça devient complètement absurde dans la mesure où toute alternative est déclarée propagande ou menace pour la démocratie. Alors, ce qui se passe, quoi qui puisse émaner de la Russie, c'est forcément l'acte du Kremlin. Est-ce que c'est la main du Kremlin? Est-ce que ça veut dire que nous sommes si puissants? Afrique Média, le monde, c'est nous.